l'étoile du succès. Crime et drame, prêt à tout pour bâcler mon succès. En un dé, j'peux rien approuver, retrouver des corps troués. Entre rime et hag, la seule et vraie pourront s'y retrouver. Peace, love, un petit cheese, clash, clore, j'rentabilise. Fun, clore, j'déstabilise. Sans parole, me tape à la bise. Ma musique, après souffrance, je ne sens plus les rappeurs douillés. Dur de fuck la réussite quand tu confonds or et rappeurs rouillés. Comme le phénix, je renais, mais qui pourra détrôner. Entre signature et percer le gouffre, nous a séparés. Rappe pas, tu vas faire un beat. Trip pas, vise la carotide. Ferme la con, chargeur speed. 9, 4, relève limpide. Vénère, déterre, armée, chargée, tirée par des classes. Pépère, chauffeur, en terre, trop flot pour s'occuper de nas. Trop de flot, j'enferme mon ami. Mon équipe, c'est à la mort, à la vie. Je les submerge comme le tsunami. La rue parle et tout l'équipe est dans le 9, 4, musique. 9, 4, musique. Moi, c'est 9, 4, musique. Rotalma, voiture physique. Le son qui te monte en l'air. Les bras et les grecs en l'air. Les vipères ne bougent pas et les bitches lèvent leurs jambes en l'air. 9, 4, musique. 9, 4, musique. Moi, c'est 9, 4, musique. Rotalma, voiture physique. A tester par la street. J'ai du gros son et de la weed. Espoir du rap game, stratégique, donne pas de la paix. Pâle creuse, tes oreilles saines. Grimmer, dealer, récolte ce que j'aime. Promis à la victoire, mon miroir ne cesse de se fissurer. Entre victoire et gloire, seul et traître ont un intitulé. J'écris des déterres, j'suis pas le prince de paix. L'air, j'ai surgi de l'enfer. Les puristes, sans commentaire. De prestige à ailleurs, mon chemin semé d'embûches. J'suis l'œil du cyclone et toi, celui de la ruche. Ouais, comme dans mon hood, fais bouger ta taonne. Ouais, j'kick, c'est my soul. Rugis comme une lionne, champion comme Paterari. J'accélère comme une Ferrari. Rayon gamma sur les talons, retrace, repasse, te mêle pas de ma vie. Triste mec qui aura ma peau. J'kiffe de Paname jusqu'à Bamako. Quand je surgis, c'est l'éclipse. Enregistre donc Camaro. Les problèmes conditionnent. Trop peu de mecs, j'affectionne. Quand les refrains te sectionnent, trop de queues m'expositionnent. 9, 4, musique. 9, 4, musique. Moi c'est 9, 4, musique. Rotalma, voiture physique. Le son qui te monte en l'air. Les bras et les grecs en l'air. Les vipères ne bougent pas et les bitches lèvent leurs jambes en l'air. 9, 4, musique. 9, 4, musique. Moi c'est 9, 4, musique. Rotalma, voiture physique. A tester par la street. J'ai du gros son et de la weed. De la, de la, de la weed. De la, de la, de la weed. J'ai mille et un chevaux, plus de codes qu'un rap Lorraine. Comment faire taire mon égo? Je suis l'éclat qui fait briller le soleil. Entre vrai et faux, seuls les mythos éveillent mon sommeil. Parmi les échos, gros défauts, personne se révèle. J'ai charclé ton égo, joue bien plus que tout ton oseille. Parmi les mecs réglos, seule ma voix est restée paille. Nous, c'est grosse équipe, comme Zlatan au PSG. Revoilà le rappeur contesté par tous ces RG. PM sur le polo, gros j'écrase tous tes chicots. J'marquerai mon époque comme Messi et Cristiano Ronaldo. 9-4 indépendant, j'rappe à la fleur au fusil. On est pépère à l'Espagne, tout ça par moyen de survie. Rimeur original, nous on frappe où ça fait mal. Conditionné pour faire du sale, tu tournes toi Chaline Gaz. Ferrara, grosse Ferrari, que des vis, que des crailles. Tu peux tout être noyé, j'resterai toujours l'avenir de Paris. 9-4 musique, 9-4 musique. Moi c'est 9-4 musique. Rotalma, voiture physique. Le son qui te monte en l'air. Les bras et les grecs en l'air. Les vipères ne bougent pas et les bitches lèvent leurs jambes en l'air. 9-4 musique, 9-4 musique. Moi c'est 9-4 musique. Rotalma, voiture physique.